Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blog.saint-elie.com. Sur ce site, vous pouvez lire mes notes écrites, récupérer mes notes audio, soit directement depuis la page web, soit en utilisant un logiciel qui reconnaît le format podcast. Vous pouvez réagir à ces notes, poser des questions, faire votre déclaration d'impôt, bon ça je crois que je l'ai déjà dit, ou obtenir la bonne aventure, oui c'est ça. Aujourd'hui, côté ambiance musicale, on va se la jouer plus cool, plus jazz. Là, ce qu'on entend, c'est Kid the Cat, c'est un groupe de fusion de Chicago. Vous savez, Chicago, les voitures, les mitraillettes, les gangsters, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ils font du blues, ils font aussi du jazz. Aujourd'hui, je vais parler un peu de Nicole et Jean-Pierre en partant du principe que des gens qui sont intéressés à la fois par la moto et par la photo ne peuvent pas être complètement mauvais. Nous allons voir le deuxième épisode de notre grande histoire du Raw. De temps à autre, je ferai peut-être appel à la sagesse de Monsieur Serge, enfin s'il n'est pas trop bourré, on verra. Ah, j'allais oublier, à ce sommaire, j'ai aussi une excellente nouvelle. C'est surtout une excellente nouvelle pour mes valeureux bêta-testeurs qui se sont littéralement arrachés les oreilles en écoutant mes précédentes productions. Ça y est, j'ai enfin réussi à trouver d'où venaient mes problèmes de son et c'est réglé. Vos oreilles vont pouvoir dormir tranquilles. Enfin, dormez pas trop, attendez la fin du fichier. On commence par Nicole et Jean-Pierre qui m'ont envoyé un email assez sympa où ils expliquent la chose suivante. Ils viennent d'effectuer un périple en Argentine en moto, et ils ont fait des tas de photos et en rentrant, le récit de leur aventure a été publié par le magazine Moto Revue. Petite parenthèse, s'il vous reste un peu de pognon dans les poches, précipitez-vous chez votre marchand de journaux. L'aventure de Nicole et Jean-Pierre est publiée dans le Motorevue du 13 janvier 2005. C'est le numéro 3647. Donc ça s'est très bien passé au final, mais ça s'est passé de manière un peu plus compliquée lorsqu'ils se sont pointés au magazine avec le récit de leurs aventures et un tas de photos dont une partie avait été faite en diapo et une partie en négatif. Pourquoi les deux ? Eh bien parce que pour assurer le coup, comme les diapositives c'est compliqué à exposer, ils ont fait une partie des photos, celle qui était un peu compliquée, en négatif couleur. Et c'est une tradition dans la presse magazine, on travaille en diapo. Techniquement, il n'y a aucun problème pour publier une photo en négatif couleur, mais les services iconos des magazines sont calés pour traiter des diapos. C'est plus simple, etc., etc. Et donc, quand ils sont arrivés chez Motorevue avec une partie de leurs photos en négatif couleur, les iconos de Motorevue leur ont un peu tiré la gueule. Donc au final, ça s'est bien terminé, mais du coup, Nicole et Jean-Pierre, qui recommenceraient bien ailleurs ce genre d'opération, se pose un certain nombre de questions, et notamment, le numérique étant là, est-ce que c'est pour nous la solution la plus adaptée ? C'est une bonne question, mais la réponse est vraiment pas simple, et en plus, cette réponse, elle est pas très gaie. Si le numérique a plein d'avantages, on peut voir directement ce qu'on vient de faire, effacer la photo, la recommencer, enfin bref, etc. Maintenant, tout le monde est au courant. Le numérique, il a un gros défaut. C'est que pour ce qui est de la latitude, de l'étendue des tons qu'il est capable de restituer, il est beaucoup plus proche de la diapositive que du négatif couleur. Pour faire chic, cette caractéristique, ça s'appelle la dynamique. Un négatif couleur, c'est un film qui a très très peu de contraste, qui a pratiquement pas de contraste du tout, et donc il est capable de restituer des tons à la fois dans les très très basses lumières, dans les ombres, et dans les hautes lumières. Et la conséquence, c'est que pour exposer un négatif au point qu'il ne soit pas tirable, c'est extrêmement difficile. A l'inverse, les diapositives sont extrêmement contrastées, elles ont une échelle de ton qu'elles sont capables de restituer qui est beaucoup plus courte. Si avec une diapo on a des hautes lumières bien exposées, bien détaillées, les ombres vont être très rapidement noires, il y aura beaucoup moins de dégradés. Et le numérique se situe clairement du côté de la diapositive. Avis personnel d'ailleurs, les fabricants, au lieu de nous servir de la soupe aux mégapixels à longueur de sortie de nouveaux produits, seraient bien mieux inspirés de travailler sur la dynamique. Parce que si le numérique, c'est plus simple sous plein d'aspects, il y en a un sur lequel ça pêche vraiment, c'est cet aspect dynamique. Un capteur, c'est capable de restituer une gamme de tons extrêmement courte, vraiment comme une diapositive. Donc la première réponse à Nicole et Jean-Pierre pour leur prochain reportage, elle est: hélas, si c'est vraiment cette histoire d'exposition qui vous a fait choisir le négatif couleur, pas sûr du tout que le numérique, ça soit la solution idéale. Certes, vous pourrez recommencer les photos qui sont pas bien exposées, mais enfin, vous galérerez autant pour avoir des photos bien exposées. Et puis, le numérique, c'est un deuxième inconvénient pour ce qui est des périples lointains comme ça. C'est celui du stockage des photos. En argentique, le stockage, ça consiste à glisser les films dans un sac. Et ces films sont relativement en sécurité, sauf à ce qu'on mette le sac au feu ou qu'on le trempe dans l'eau. C'est quand même difficile de détruire tout son stock de films. Je sais, c'est sans doute déjà arrivé, mais enfin, globalement, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. En numérique, le stockage des images, c'est un problème qui est beaucoup plus difficile à régler. Il est plus difficile à régler d'abord pour des questions de sous, parce que une carte, ça a une capacité limitée, et puis ça vaut cher. Et donc, il faut vider ces cartes dans un système quelconque. Alors, il existe plein de systèmes, soit dédiés, soit adaptables, qui sont soit à base de disques durs, soit à base de graveurs de CD, et qui possèdent un lecteur de cartes, et donc dans lequel, à date régulière, on vide la carte pour la sauvegarder. Ces systèmes ne sont pas donnés, hein. Il y a plein de marques qui en font. Généralement, c'est les mêmes marques que celles qui font des baladeurs. Les Arcos, par exemple, sont pas mal. On peut faire ça aussi avec un iPod. Le problème que pose l'iPod pour ce genre d'usage, c'est qu'il n'a pas de lecteur de cartes et que le seul lecteur de cartes que je connaisse est une catastrophe. Il vide la batterie à une vitesse supersonique, il est extrêmement lent. Mais de toute façon, c'est pas les petits utilitaires de ce type-là qui manquent. J'ai d'ailleurs à la maison, je vous en parlerai une prochaine fois, j'ai pas encore vraiment fini de jouer avec, un engin de chez Nikon qui s'appelle le Cool Walker et qui est fait pour ça, qui est fait pour vider des cartes. Donc le premier problème, c'est qu'il faut sauvegarder Les photos qu'on vient de prendre, on ne peut pas les laisser sur des cartes, sauf à être un nabab et à pouvoir partir avec des milliards de millions de cartes. Le deuxième problème qui se pose, alors là j'ai pas de solution vraiment pour ça, mais il va se poser forcément, on n'a peut-être pas assez de recul en numérique pour que ça soit un truc vraiment criant, c'est celui de la sécurité des données. Comme je le disais tout à l'heure, avec de l'argentique, on peut bien sûr tout perdre, mais c'est quand même pas simple. Tout perdre en numérique, c'est extrêmement simple, parce qu'un disque dur, ça plante, une carte, ça peut foirer, etc., etc. Partir sur un périple lointain, totalement numérique, si on le fait dans des conditions amateurs, au sens où on ne dispose pas d'un matériel abondant, sophistiqué, etc., c'est peut-être un peu risqué. L'autre chose, c'est que le numérique, ça dépend entièrement des piles. Alors c'est pas très gênant quand on est en France à côté de la prise EDF, je sais pas trop comment ça se passe en Argentine, mais j'imagine qu'il doit y avoir des coins où des piles il y en a pas. Et dans ces cas-là, un argentique mécanique, il tombe pas en panne lui. Il est utilisable dans tous les cas de figure, ce qui n'est pas le cas du numérique. Donc pour répondre à Nicole et Jean-Pierre, le numérique c'est peut-être une solution s'ils doivent renouveler ça souvent en termes de coûts, sans doute. Mais ça va leur demander une vraie réflexion pour préparer leur matériel, concevoir leur équipement. Et puis ça va les angoisser deux fois plus parce qu'ils s'angoisseront autant pour ce qui est de la bonne exposition. Mais en plus, ils devront gérer une autre angoisse qui est celle de « au secours pourvu que ça pète pas ». Bon, là, on va voir si Monsieur Serge aurait, sait-on jamais, on peut rêver, quelque chose d'intéressant à nous dire. Non, quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux, non. Ok, d'accord, allez, c'est ça, allez, casse-toi, Serge, il est con, celui-là, excusez-moi, il est vraiment trop con, à chaque fois, je me dis, ça va s'arranger, mais non, allez, barre-toi, allez, dégage, Serge, allez, dégage. Bon, pour faire passer l'autre gogol, on va continuer avec un peu de zik. C'est un groupe qui s'appelle Telos, le morceau s'appelle Open Your Eyes. Telos, c'est un groupe de jazz californien, un peu particulier, il y a sans doute un certain nombre d'autres du même genre. C'est un groupe de musiciens de studio qui s'emmerdent un peu à faire des musiques de pub toute l'année, qui de temps en temps se réunissent pour faire des sessions, et Open Your Eyes en est un bon exemple, j'aime assez ce genre de truc. Mind. We just keep grinding this over and over. I want you to realize problems just don't go away just because you turn away and tell yourself a lie. I don't need to criticize. Please hear what I mean to say. Nightmares just don't go away. You must open your eyes. Oh, oh, oh, oh. How many times I tried inside your mind, we just keep grinding this over. Come on and open your eyes. I'm all torn up inside. Hey. If you don't lose your pride, wow. We'll just keep grinding this over and open over. Your eyes. Open your eyes. Hey there, friend. I can see that you're all spent. The darkness will end. This much I know. Yeah. You are the drama queen, but theater ain't my scene. We just keep grinding this over and over. Dramatize, life is just a masquerade. And you you'll jump at the chance to trip this over a disguise. I don't mean to patronize, I know inside you're afraid, but nightmares don't just go away, you must open your eyes. Oh, sometimes I want to scream and wake you from your dream. We just keep grinding this over and over. Deuxième épisode de notre sitcom De la bonne façon de roter. Pour rappel, les fichiers RAW sont des fichiers directement issus du capteur, des fichiers informatiques issus du capteur, et qui sont récupérés pour être traités en dehors de l'appareil avec un logiciel dédié sur un ordinateur, un Mac ou un PC, et ils sont récupérés avant que l'appareil les ait moulinés pour pondre un JPEG. J'ai parlé dans une note précédente du premier avantage du format RAW. Ce premier avantage, c'est qu'il dispense de s'inquiéter des questions de température de couleur, puisque cette donnée est prise en compte au moment du traitement du fichier, dans le logiciel spécialisé sur l'ordinateur. Au moment où on récupère le fichier RAW, la notion de température de couleur n'a pas de sens. Donc si on a pris la photo avec un mauvais réglage, ça n'a pas d'importance. Deuxième avantage de ce format RAW, il permet de disposer d'une petite latitude de correction de l'exposition. Je dis d'une petite, parce que si les logiciels de traitement du RAW permettent des corrections souvent très importantes, plus 1, plus 2, plus 3 diaphragmes, en numérique, dès qu'on modifie beaucoup un fichier, la punition est immédiate, le bruit arrive au grand galop. Donc en pratique, en RAW, on peut tabler tranquillement sur un demi-diaph en plus ou en moins, voire un petit peu plus selon les cas, sans que ça se voit trop sur le résultat final. Si cette correction est possible, c'est pour une raison qui est un peu compliquée à expliquer et que je vais résumer de façon simple, donc s'il y a des puristes dans la salle, rangez les couteaux s'il vous plaît. les capteurs des appareils photos fournissent des fichiers avec une image potentiellement plus riche que celle qui est contenue dans le fichier JPEG pondu par l'appareil. Pour faire chic, les capteurs travaillent sur 12 bits et les JPEG en ont 8 seulement. C'est pas sexuel, hein, et puis si ça vous dit rien, c'est pas grave. En gros, tant qu'on travaille au niveau du fichier RAW, on travaille donc sur une masse de matière, une masse d'informations plus importante que celle qui va être contenue dans l'image finale. On peut bien sûr éclaircir ou foncer un JPEG dans Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de traitement d'image, mais dans ce cas, on travaille sur la matière définitive, et donc chaque fois qu'on modifie le fichier, on perd de l'information. Ça peut se vérifier assez facilement en regardant l'histogramme de l'image. En effectuant cette opération avant la transformation en JPEG sur le fichier RAW, bien sûr, on doit perdre un peu d'informations quand même, c'est obligatoire, mais beaucoup moins. Et c'est ça qui est important. Ça nous fait donc une deuxième raison d'essayer le format RAW. Je suis président du comité de promotion du RAW. La première, donc, était que, du coup, on oublie la température de couleur. Et rien que ce point, ça justifie vraiment au moins de l'essayer de temps en temps dans les situations un peu compliquées, en intérieur, avec des néons, enfin, dès que l'éclairage est un petit peu bizarre. Et la seconde raison d'essayer le format RAW, c'est donc que ça permet de disposer d'une petite réserve pour rectifier les problèmes d'exposition. Elle est pas belle, la vie. Voilà, ben c'est l'heure de se quitter. Juste avant de se quitter, il faut que je fasse un petit coucou. Parce que j'ai reçu un email cet après-midi qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est un collègue qui, en cherchant quelque chose sur le web, est tombé sur un site qui parle de moi. Et qui en parle de manière vraiment très sympa. Donc j'en profite pour envoyer la balle à Laurent Fabry, de Photosapiens. L'adresse du site, c'est http://www.photosapiens.com. Qui est un site qui parle de photos, un site plutôt communautaire, où on peut poster ses photos, les commenter, etc. Un truc bien fait, quoi. Puis un site qui parle de moi peut pas être foncièrement mal fait. Bon. Allez, ciao.